Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés. Tous mes péchés, alléluia. Tous mes péchés, le sang de Jésus-Christ a purifié tous mes péchés. Makila, maïso, epeto, le masomo nanga. Oh, makila, na yeso, epeto, le masomo nanga. Nyon so pesa, alléluia. Na salaki, oh makila na yeso, epeto le masomo nanga. Seigneur Dieu Tout-Puissant, source de vie et de bonheur, toi la lumière véritable et éternelle, toi le Dieu Tout-Puissant et Suprême, toi le Dieu immuable et véritable, louange et gloire à ton Saint-Nom, louange et puissance à ton royaume, le salut et la gloire t'appartiennent, et la majesté. Merci pour cette soirée, alors que nos âmes se tiennent devant toi. Occupe-toi de chacun d'elles. Occupe-toi de nous tous, Seigneur. Forge notre unité, notre amour fraternel. Mûris notre foi en Dieu. Amène des résultats abondants et des témoignages et des exploits, des merveilles et des miracles qui sont censés accompagner ceux qui ont cru. Car nous n'avons pas cru en vain ni dans le vide, mais nous croyons à un évangile vrai, l'évangile surnaturel et promis de ton histoire, la lumière d'histoire, le message d'histoire, la parole biblique, la semence de vie, la semence originale qui transforme les vies, transforme les comportements, change les caractères, amène la spiritualité, amène la nouvelle naissance, confère l'identité de fils de Dieu et de filles de Dieu, produit la foi et l'amène à la perfection. Tu es Dieu en vérité qui peut agir pour nous, qui peut nous délivrer de toute détresse, nous secourir dans les situations d'affliction. Nous t'adorons. Nous t'aimons comme tu nous as aimés, de l'amour dont tu nous as aimés. Nous t'aimons, Jésus, du mieux que nous pouvons. Révèle-toi chacun. Brise la routine. Brise tout formalisme, toute servitude et du péché, toute habituation au mal. Ôte-les de nos vies, de nos caractères. Nous voulons une délivrance totale par Dieu qui est capable de tout. Change notre église. Réveille-nous de l'esprit de prophétie. Dieu, le témoignage de Jésus. Aucun de nous ne parle d'un Jésus historique, mais que chacun de nous parle d'un Jésus vivant qui agit encore ces jours-ci. Il se manifeste et se révèle encore. Arrache nos âmes de l'influence du mal, de tout envoûtement démoniaque. Nous voulons la lumière du Seigneur, la lumière de ta face, Seigneur Jésus. Parle-nous maintenant, au Père, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, Dieu de l'amen. Prions ici. Amen. Nous allons lire la sainte parole du Seigneur dans Jean chapitre 5, verset 25-27. Et puis nous irons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17. Et enfin, nous terminerons dans Apocalypse chapitre 4. Jean 5, verset 25-27. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Solo, nazali kolobana bino ete. Tango ikoya. Ezali sa saiti. Wana bakufi bakoyoka mungongo ya mwana na nzambe mpe ba oyo bayoki bakozala na bomoi. Nzambi lokola tata azali na bomoi kati na ye moko. Bongo asilinde ko pesa epai mwana ete azala na bomoi kati na ye moko. Apesi mpe ye bokonzi pona kosambisa mpo ete ye azali mwana na moto. Thessaloniciens chapitre 4. Mukanda ya liboso na ba Thessaloniciens 16-17. Mulonga zomi na. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Oyo totikali na bomoi tuponetwa kati na mapata pona kozwa mana nkolo kati na mopepesika moko na bango mpe bongo tukozala libela esika moko na nkolo. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Yemoni seli mukapo yamini mulungu liboso. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nasi mana makambo oyo na mwana ki ekuke esilinde kozipwana likolo. Mpe mungongo oyo na yokaki liboso kosololaka na ngai lokola mungongo na kelelo elobi ete buta awa. Mpe na kotalisa yo makambo makoki na yango kobima na sima na oyo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botange loba na ye. Veillons. Veuillez vous asseoir. Non. Nous souhaitons à chacun de vous bienvenue à la table du Seigneur. Ici, dans la maison du Dieu vivant. Quand nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ, croyant hommes et femmes, fidèles à Dieu, nous formons une maison spirituelle, une maison d'habitation de Dieu, en esprit. Que Dieu soit loué. Ephésiens chapitre 2, verset 21-22, il est écrit qu'en lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. Puissions-nous nous élever ce soir en tant que tout l'édifice pour cet endroit. En tant que tout le corps de Christ, la portion du corps de Christ pour cet endroit. Et qu'en étant ici, nous soyons bien coordonnés. Sans désordre aucun. Chaque esprit aligné à la parole. Chaque croyant se conformant à la parole. En lui Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Puisse cela s'accomplir encore une fois maintenant parmi nous. Je veux dire que nous ne lisons pas ceci comme une philosophie ou comme une histoire annoncée. Non, lisaponge. Ponge. C'est pas ça. Lisons ça comme une actualité actuelle. Permettez-moi la tautologie. Une actualité actuelle. Une vérité présente. Qui est d'actualité au temps présent. Pendant que nous la lisons ensemble dans la maison de Dieu. Dans cette assemblée chrétienne, cette église de Dieu. En lui, tout l'édifice. Bien coordonné, se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous ne devons pas rester froid, assis froid, indifférent, empêché, tiède et lourd, formaliste. C'est des choses comme ça, mais nous nous asseyons dans la fermeté de la foi, sachant ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes venus adorer, celui qui est esprit et vie, Dieu qui veut que les hommes l'adorent en esprit et en vérité. Soyons conscients à tout instant que c'est ce que nous sommes en train de faire. En venant ici à l'église, ce n'est pas pour nous occuper un espace de temps, mais c'est pour nous s'acquitter de nos voies sacrées, une obligation divine envers Dieu qui vit éternellement. Dieu qui est esprit, Dieu nous dit que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et si nous devons l'adorer en esprit, que chacun de nous doit entrer dans l'esprit. Entrer dans l'esprit de la chose, l'esprit de l'église, l'esprit du culte, l'esprit du service divin. Chacun de nous doit entrer dedans. Il est dit en lui, pas en dehors de lui, pas à côté de lui, mais en lui, ce que chaque esprit doit entrer. Vous devez entrer dans l'esprit. C'est hier la citation que nous étions en train de lire de Frère Branham, qui au fait était en train de commenter l'expérience des gens dans Apocalypse chapitre 4, verset 1 que nous avons lu. Là, nous avons lu hier à l'exhortation, bien que c'était debout. Donc, nous avons lu dans la prédication les 24 anciens. Et c'était justement le paragraphe 98. Et nous avions dit ceci. Bon, la voix dit à Jean, monte ici. Or monter veut dire aussi s'élever. C'est s'élever. C'est relever. Escalader. La voix dit à Jean, monte ici. Dans un chapitre 2, verset 21, la Bible dit, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève. Il ne reste pas dans la basse cour. Il ne descend pas dans des caniveaux. Il ne va pas s'embourber dans des flaques d'eau. Mais l'édifice du Seigneur s'élève. Et toi aussi, en tant que membre de l'église, élève-toi. Et toi, monte. Monte de niveau. Entre en esprit. C'est le même ordre pour chacun de nous maintenant. Et la voix dit, monte. Et quand il eut ouvert, Jean a entendu. Jean a entendu là. Le son de la trompette aussitôt. Et il fut ravi en esprit. Parce qu'il a accepté de monter. Il a accepté d'obéir à la voix qui lui avait parlé. La voix a dit, monte. Il n'a pas répliqué, je ne vais pas. Il n'a pas dit, je ne le ferai pas. Ou que je n'y arriverai pas. Ou encore moins, je ne saurai pas. La voix a dit, monte. Et lui de tout cœur s'est disposé. Père, qu'il me soit fait selon ta parole. Comme la Vierge Marie avait décrété. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quand tu es tellement disposé comme ça, alors les choses vont commencer à se passer. Parce que Dieu sollicite ta foi. Dieu veut utiliser ton esprit. Dieu veut se manifester à toi. Il fera tout ce que ta parole prévoit. Il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Et aussitôt ravi en esprit, il commença à voir des choses. Toi, tu n'arrives pas à voir des choses. Et souvent, tu es dans le bleu et il t'arrive de commencer à chercher les devins. Pour te deviner des choses. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à voir les choses. Et pourtant, chacun de nous a la possibilité de voir les choses. Comme nous l'avons dit et répété hier. Même si tu n'es pas le prophète de Dieu. Et tu as la possibilité de voir les choses. Si seulement tu montes à l'esprit. Je veux dire toi. Homme, femme, frère, soeur. Chacun de nous, créatures de Dieu. Un fils de Dieu. Tu as cette possibilité là. Les mêmes choses que tu cherches, c'est qu'on voit pour toi. Les mêmes choses, tu peux les voir toi-même. Les mêmes choses que tu es tenté d'aller sillonner dans les assemblées, les maisons des dons, soi-disant maisons des dons. Pour que ceux qui voient, ils voient pour toi à ta place. Mais je veux te dire que toi-même, tu peux voir ça. Seulement tu pries et tu pries et tu pries en profondeur. Je voudrais que nous puissions développer ça un de ces jours. Dans les moments de prière successivement. Chacun de nous prie et prie jusqu'à voir des choses. Amen. Que nous allions de séance en séance comme ça. Par le Dieu qui a dit ce que nous avons lu hier dans l'exhortation, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, inconnues de toi. C'est la promesse de Dieu que nous pouvons exploiter à fond. Car chaque parole de Dieu est une grande richesse pour le croyant. Elle a une profonde bénédiction. Mais quand nous négligeons, nous continuerons à tourner les pouces. Nous aurons l'image d'un peuple pauvre et délaissé. Nous aurons l'impression que notre Père Céleste est pauvre. Incapable et même impuissant. Or, c'est loin de là. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Vous devez prier et prier. Prier et prier. Prier jusqu'à voir des choses. Je reviendrai. Par la grâce de Dieu, je reviendrai. Que chacun de nous se dispose à pouvoir entrer. Mais comment ça allait faire? Non pas prier superficiellement. Comme si nous répéter certaines phrases. Pour accomplir un certain devoir. Religieux. Loin de là. Mais prier et prier. Prier jusqu'à voir des choses. Si les choses ne commencent pas à se voir. Pendant les moments de prière même. Prions maintenant. Quelle soit la vie dans l'intervalle de prière. Veux-tu ça vraiment? Amen. Alléluia. Tu as cette possibilité. Alléluia. Tu ne diras pas, oh non, les visions, c'est un don. Branham a dit que les visions ne sont pas un don. Voilà. La possibilité de voir, tu l'as. Ça ne va pas devenir un don. Tellement que c'est un canal que vous exploitez. Vous prenez votre personne et vous l'alignez avec la promesse de Dieu. Vous prenez votre spiritualité, vous l'alignez avec la promesse de Jérémie 33, verset 3. Il a dit, invoque moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, inconnues de toi. Même que tu serais tenté d'aller chercher ça et là, ton Dieu vivant te les annoncera. Il te les fera voir. Donc si quelques-uns échoueront, quelques-uns doivent réussir. Mais moi je veux que tous réussissent. Que chacun réussisse. Que nous puissions y parvenir. Prier à l'église, prier en chemin, prier à la maison, prier partout. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures à Dieu, comme a dit la Bible, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant à Dieu des mains pures, sans colère ni mauvais soupçons, ni mauvais sentiments. Priez comme ça. Dans cet état-là, et Dieu vous montrera des choses. Pardonnez à tous vos ennemis. N'ayez pas de rancune et de méchanceté. Ayez un cœur pur. Un cœur nettoyé. Un cœur qui pardonne. Un cœur non conflictuel. Priez. Des bonnes choses, hein? Pas des choses des démons. Tu veux faire quoi après ça? Au moins, si à la fin il y a une victoire, c'est bon. C'est à la fin que bah, il y a comment la prière qui est notre force peut devenir l'occasion de notre faiblesse? Comme on chante, nous avons déclaré la guerre aux démons et aux affichés. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Oui, nous marchons avec assurance. Nous qui devons porter l'espérance, vaine est toute résistance. Jésus-Christ sera vainqueur. Amen. Jésus-Christ au Colomba. Jésus-Christ au Colomba. Le salut, notre cri. La foi, notre bouclier. Et notre force, la prière. Et par ça, nous ferons tout surmonter. Nous prendrons le dessus sur tout ce qui va se pointer. Nous prendrons le dessus sur toute opposition. Sur toute épreuve, toute tentation. Par la prière. Telle est notre confession de foi. Telle est notre conviction chrétienne. Telle est l'expression de notre détermination. Que Dieu bénisse toi qui a la foi. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant à Dieu. Or ici, nous nous élevons nous-mêmes dans la maison de Dieu. Nous nous élevons dans sa présence. Nous nous élevons en esprit. Et aussi, en élevant des mains pures à Dieu. Sans colère, ni mauvaise pensée. C'est impeccable. Faites-le comme ça n'importe où. Et priez jusqu'à faire des choses. Priez jusqu'à faire des choses. Et Dieu est disposé à vous les annoncer. Et seulement que toi dans ta prière tu atteins un niveau. Hein? Parce que le niveau bas où tu es, là tu n'utilises que tes yeux, tu ne vois que ce que les yeux voient, les yeux naturels. C'est là où tu vis, c'est là où tu es habitué, tu pars, tu rentres, tu montes, tu descends. Tu fais du bas et dire à l'église et tout. L'homme naturel, l'homme charnel. Voilà, nous allons l'abobé le moutou, y'a mon kili, y'a un zotro, mais ça, Ok, yo zone yo kotala na misu ndio zana sese na makambu na wewe kobondela ono zana na sese sengeleti ubuta. Mais dès que tu montes, ne fiche que l'île. Les pensées vont saisir une inspiration. Que les humains ordinaires ne saisissent pas. Mais quand tu montes encore d'une sphère, tu vas voir les choses. Les visions. Des scènes qui se seront présentées comme ça. Clairement. Et quand tu montes encore des nuits, c'est la voix audible. Tu entendras Dieu parler comme si c'est lui-même qui te parle. Dieu devient encore plus réel. Il te parle comme s'il se tenait à côté de toi. Mais tu ne vois pas de ses yeux. Tu ne vois pas comment il est là. Donc, même tes oreilles naturelles commencent à entendre sa voix. Mais cette voix est destinée à ton cœur intérieur. Pour monter des sphères. Êtes-vous là? Monter des sphères. Première sphère, tu as l'inspiration. Deuxième, tu as les visions. Troisième, voix audible. Et Dieu lui-même peut apparaître en personne. Nous servons un Dieu vivant. N'ayons pas l'impression d'être sous-équipés. Nous ne sommes pas un pays sous-développé. Nous sommes chrétiens. Même si nous habitons des pays sous-développés. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des sous-développés. En tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens complets. Parce que Dieu ne fait pas des demi-chrétiens, des demi-croyants, des demi-prédicateurs, ni des demi-églises. Et c'est pour ça que je suis soyé mon bim de baoui. Pour comme quoi? Pour être un zambé, à ça la cabatrice en dame beauté, à ça la cabatrice en dame beauté, à ça la cabatrice en dame beauté. Dieu donne une délivrance totale. C'est un zambé comme moi, il m'a fait pour comme moi, il m'a fait sort de la vie du péché. Pour faire de toi un chrétien à part entière. A démission, à moi, il est sous ma commission, mon Christ, on a la loi, il y a un zambé. Et là, tu n'es pas un sous-développé. Même si ton pays est sous-développé. Mais toi, tu es sorti du sous-développement. Tu deviens la prospérité de Dieu. Par toi, la parole est un succès. Par toi, la parole du Seigneur réussira toujours. Tu n'es plus sous-développé. Nous ne sommes pas sous-développés. Nous, les chrétiens de la maison de Dieu, nous sommes bien constitués. Il y a un Dieu qui nous a formés. Il y a un Dieu qui nous entraîne. Il y a un Dieu vivant qui nous exerce. Il y a un Dieu vivant qui nous donne des victoires multiples. Qui nous débarrasse de la peur. Qui nous fait affronter tous les défis. Moi je crois à son Seigneur. Qu'il est encore efficace maintenant même. Et que pour celui d'entre vous qui est plus apte, plus disposé, déjà ta prière de ce soir te fera voir des choses. Vous savez, même dans chaque classe, hein, il y a toujours les trois catégories. Là on apprend la courbe de Gauss, le mathématicien Gauss. Il y a toujours une exception. Comment Gauss essaye de faire? Il y a une tendance ici de moyens. Et puis, il y a là au milieu et il y a là une petite tendance. Il y a des élèves moyens. Et il y a les surdoués. Et il y a des médiocres. Les médiocres. On ne peut pas s'empêcher d'en avoir, mais dans les classes, il y en a. L'objectif des enseignants, c'est que de cette classe moyenne, on ait de bons et de meilleurs résultats. Les surdoués sont une minorité. Et eux, ils comprennent plus vite les choses. Et ils passent en action sans trop tarder. C'est une race rare dans les classes. Mais si maintenant dans une classe, vous avez les médiocres qui sont plus nombreux comme ça. Je vous assure qu'ils ne réussiront jamais à tirer les surdoués vers les bas. Parce que le surdoué a cette capacité dans sa constitution. Il va se distinguer, même quand toute l'école fera néant, lui sera le seul qui a réussi. Et quand dans une classe les médiocres sont une grande majorité, c'est que l'enseignant est aussi un médiocre. L'enseignant. C'est un médiocre. Et c'est à cause de lui que les médiocres périssent dans sa classe. C'est fort à dire, mais c'est pourtant vrai. Il n'y a pas que les élèves qu'on n'ait pas lui, mais il y a aussi l'enseignant qu'on n'ait pas lui. Vous trouvez même entre les différentes classes du même niveau. Quand on proclame, on va demander la moyenne de la classe. Ils sont de la même école, moyenne de la classe. Voyez ça? Vous trouvez dans une classe, la moyenne est à 65%. Dans une autre, 80%. Et dans une autre, 70%. La moyenne. Donc, l'enseignant qui tient la classe de 80 est le meilleur sur les trois. Et Moulakisi, Oyo, Bananaye, Bazali, Tukumambe, Azalia, Malam, Kole. Les enseignants et les écoles aussi sont cotables. On doit les évaluer. Aussi, moi, dans quelle école il y a son bafoufou, il n'y a pas quoi. Il ne va pas voir que les résultats. L'enseignant lui-même, médiocre dans son comportement. Les préfets de discipline, n'en parlons pas. Un désordonné. Mais quel résultat voulez-vous dans les enfants? Nous devons être conséquents et savoir ce que nous cherchons. Alors, les choses naturelles sont le type du spirituel. Nous allons dans la maison de Dieu, il faut des résultats. Alléluia. Êtes-vous là? Amen. Il faut des résultats. Hein? Dans une église, il ne faut pas que les bêtiseurs soient nombreux. Hein? Ah. Sinon, c'est aussi le prédicateur qui est médiocre. Mais on doit se le dire, non? Les bêtiseurs doivent être nombreux dans une église. Des médiocres dans l'église. Alors, l'enseignant lui-même aussi. Le prédicateur lui-même aussi. Grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Quand nous disons ces choses, ça paraît dur. Mais pourquoi est-ce que c'est très dur comme ça? Mais oui, il nous faut se dire ces choses pour se réévaluer et rectifier les tirs. Nous devons changer. Amen. Maintenant écoutez, dans les assemblées du message, aussi nombreuses qu'elles peuvent être, quand on a plein d'assemblées où il y a des bêtises et des mondanités et tout, ah, est-ce que le message est mauvais? Non. Ah. Le message est parfait. Mais seulement étroite est la porte. Ce sera le chemin qui mène à la vie. Il y en a que peu qui accèdent là-bas. C'est une sélection, c'est une qualification. Êtes-vous là? Que Dieu aide chacun. Alors, prier et prier. Priez jusqu'à voir des choses. Il dit. Alors, Branham dit. Et aussitôt ravi en esprit, il commença à voir des choses. Lui Jean. Vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. Mais d'abord, il vous faut entrer dans l'esprit. N'est-ce pas? Élève-toi. Monte un peu de niveau, mon ami. Ne reste pas là où tu es habitué à coutumer. Monte un peu. Même ta façon de prier. Change un peu les méthodes. Change un peu le timing de prière. Change la manière de prier. La Bible a dit, là, nous devons faire en tout temps par l'esprit. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bolongwa na mpongi na itinga nyoso mpe bolomba lomba kapona babula minyoso bolomba penza na mpongi bwana mbela na molembe itinga ya mnyoso une perseverance intact pemo itinga penza ya makasi qui ne peut pas être diminué ou affaibli. Ouais, avec une persévérance impeccable. Non, sachant ce que nous faisons, sachant ce que nous cherchons. Comme je l'ai dit, vous n'allez pas prier, comme si vous savez ce que vous cherchez, comme si vous donnez le devoir de réciter quelques phrases. Et après l'avoir fait, vous êtes satisfait de l'avoir fait comme ça. Et vous priez jusqu'à ce que vous sachiez les choses. Le monde ici est plein d'inconnus. Il y a plusieurs réalités qui nous entourent. Mais il y a un Dieu suprême qui voit tout et qui sait tout. C'est lui qui nous aide à nous dire ce dont nous avons besoin. Ce que nous devons connaître comme avertissement pour éviter un chemin et prendre un autre. Voyons-nous de tout cœur. Que Dieu nous fasse vraiment cette grâce. Que nous puissions nous en sortir. Vraiment. Dans le sermon, la puissance de la décision. Prêché le 7 octobre 1955. Le paragraphe 36. Vous savez, c'est là le problème de l'église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez. Elle essaye un peu, mais il s'arrête là. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Est-ce que toi et moi nous prenons conscience? Avons-nous également ce problème parmi nous? Maintenant que nous sommes en train de donner les remèdes, regardez les stabilités du courant. Tout ça c'est cause cassée, continuité de l'attention dans l'église. Non seulement l'attention des fidèles. Or, dans l'église, c'est Amen qui doit être dit. Après, on va murmurer, ah, ce n'est le Oyo. Mais on est à l'église connecté à Dieu. Ce genre d'attaque vient des fois. Mais quand on en parle comme ça immédiatement, c'est pour maintenir votre attention. Je veux dire à ta pensée, à ton esprit, ne va pas là-bas. Reste ici avec nous. Parce que la pensée est très labile. Hein? Elle est très mauvaise. Elle bouge vite, elle change de direction. Et quelque chose peut t'échapper de ce que Dieu voulait que tu saisisses. Reste là concentré. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Nous restons trop à nous-mêmes. Oh miséricorde. Voilà ce que fait le frère, ce que fait la soeur. Elle reste trop en elle-même. Brillant en elle-même et non pas en Christ. Brillant en lui-même et non pas en esprit. Utilisant son intelligence, utilisant ses méthodes, et tout ça reste là. Mais nous venons d'entendre le rappel de Dieu ici. Faites en tout temps, pas en esprit. Pas par vous-même. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de prières. Que l'esprit vous inspire. Que l'esprit vous délivre. Que l'esprit vous secoue. Que l'esprit vous assiste. Que l'esprit vous aide. Chaque jour, à chaque heure, à tout instant. À y parvenir. Écoutez. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Nous restons trop à nous-mêmes. Est-ce que ce remède entre en chacun de nous? Le remède que j'essaie de donner, est-ce qu'il entre en chacun de nous? Je repose la question pour la troisième fois. Est-ce que ce médicament que je donne à l'église ici, est-ce qu'il entre? Nous sommes au front. Et moi qui suis à la chaîne, je suis en train de voir ce qui vient de se passer. Avec juste ce jeu de lumière là, et cette fumée qui entre ici, et le bruit du groupe qui a surgi, je suis en train d'évaluer l'impact de la prédication, ce qu'on avait juste quelques moments avant, et ce qu'on est en train de vivre maintenant même. Une différence remarquable. Les conditions dans la salle viennent de changer. Comprenez que les démons sont en face de nous. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience? C'est même pour la première fois que l'on allume les groupes et les groupes nous déversent autant de fumée. Notre propre groupe est trop jeune. Il vient de nous balancer la fumée pour la première fois. Donc après le jeu de lumière, une attaque séancenante, mais là les groupes aussi viennent de déverser la fumée. Tout ça c'est pour déranger le climat dans la salle. Et entre temps, on assiste à un affaiblissement du niveau de captage du message. Nous avons et de dénoncer ça. Parce que si on ne le fait pas, on continuera comme dans un formalisme. Et à la fin, vous verrez un fiasco dans les moments de prière. Vous prierez, et même les surdoués dont on a parlé, qui devraient même voir des choses, ne verront rien. Parce que nous avons entendu annoncer ce que nous devons atteindre comme niveau. Et il faut déjà travailler ici, piéger là-bas, et truquer, on les connaît, ils vont rester, ils vont se refroidir. Mais prenez ça également comme un signe que le message de maintenant là vient de Dieu pour vos âmes. D'ailleurs, je vous ai annoncé dans la première partie que j'allais y revenir, mais me voici en train d'insister dessus. Je pensais tout projeter au futur, mais l'esprit m'a retenu là-bas. Voilà le combat en live. Je ne me plaindrai pas. Mais je veille l'attention de l'Église. Pour que des combattants comme moi, nous soyons plus nombreux. Et que nous puissions répliquer l'échec et imposer l'échec aux troupes de Satan. Au jeu de lumière. À l'instabilité électrique, à la fumée dans la salle, à tout malaise respiratoire, à toute maladie chronique, à toute maladie nouvelle, aux douleurs dans les membres du corps, nous devons imposer à chacun d'eux l'échec. Notre prière ce soir doit être une réussite. Priez pour nous élever. Priez pour élever, monter l'esprit. C'est pas qu'avec une vision, mais entrer dans une inspiration. C'est pas une inspiration, l'inonction de l'esprit s'empare de toi. Comme Jean, que tu sois saisi de l'esprit, la vie en esprit. Que l'esprit de Dieu s'arrête à tes côtes. Je veux qu'il s'arrache à ces dérangements. Qu'il s'arrache à la fumée. Qu'il s'arrache à l'instabilité. Qu'il s'arrache aux douleurs de ton corps. Qu'il se bouge une partie du corps. Au lieu de se concentrer à Dieu, une douleur t'attire. Là où tu devais dire alléluia, c'est hé. Ce sont les stratégies du diable, hein? Mais des petits jeux d'enfants. Nous sommes alliés. Nous sommes combattants de la foi. L'opposition doit se soumettre. L'adversité doit s'en ayantir. Jésus-Christ est le puissant vainqueur. Quand nous venons en son nom, rien ne peut tenir droit. Dieu nous doit fléchir. Même les démons le plus malicieux. Alors, vous sentez qu'il commence à reculer. La fumée continue à être dans la salle. Mais l'ennemi est en train de perdre une bataille. Il a lancé une attaque subtile. Nous sommes attentifs ici. Ça n'arrive pas souvent. Je crois que la fumée du groupe, c'est la première fois ici. En plein culte, en pleine prédication. C'est la première fois, tu es démasqué, démon. Satan, tu es démasqué. Tu n'auras personne ici avec moi. Tu ne vas pas nous lister dans quoi c'est quoi. Nous sommes francs et nous sommes vainqueurs. Plus que vainqueur même. Que Dieu bénisse sa foi qui revient. Dieu est le Dieu de restauration. Nous vivons sa séance tenante. Il a rétabli les niveaux qu'on avait avant l'attaque. Tout ceci parce que la parole tient le cours. Nous ne savons pas tel le bâtiment. Parce que le discernement est à l'église. Parce que l'onction de Dieu est notre force. Et la foi du Seigneur, que l'onction de Louange à Jésus-Christ. Ma sangeli n'a pas la sabre. Le nom de Jésus te garde. Que le nom de Jésus-Christ te lève. Que le nom de Jésus-Christ te protège. Que le nom de Jésus-Christ te protège. Jésus-Christ te bénisse. Amen, amen, amen et amen. Le problème de l'église, c'est ça. Et si le Saint-Esprit pose les diagnostics, dit que pour le tabernacle chrétien, en une église parmi tant d'autres, son problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que il n'entre pas assez en esprit. Nous n'allons pas discuter avec le Saint-Esprit. Nous dirons, Seigneur, nous reconnaissons. Même celui qui voyait quelque chose va dire, Seigneur, je m'humilie. Moi et mon peuple, nous sommes identifiés. Je m'y vois et ta parole nous a dévoilé. Nous avons dévoilé pleinement devant toi. Aide-moi, Seigneur. Et au secours de mon incrédulité. Tu as déjà fait des miracles. Je veux les exploits. Je veux les progrès. Je veux les œuvres de puissance. Je veux tes prodiges. Je veux ta main immuable. Je veux voir le surnaturel. Et avec ce que tu auras appris, vas-y et pratique ça. Vas-y, exerce comme ça. Ne pratique pas, ne te lève pas, ne te décourage jamais. Persévère, dis de manière impeccable. Vous savez, c'est là le problème de l'église. La fumée, tu peux continuer à faire ton travail. Mais c'est sans effet désormais. Jésus-Christ a le contrôle de son église. Il a le contrôle de ses brebis. Il a vaincu depuis longtemps. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a dévoyé Satan. Et toutes les armes qu'il pouvait utiliser. Et voici les mêmes au sein de l'église. Alléluia. L'arme appelée fumée vient d'être neutralisée. L'arme appelée instabilité électrique a été neutralisée. Mais la bombe appelée parole continue. Vous noyez les démons. L'instabilité, la faiblesse et le salut. Vous noyez. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. C'est ainsi que des fois certains problèmes deviennent des problèmes chroniques dans l'église et pourtant d'un Dieu tout puissant. Alors que tout problème a solution. Notre Dieu Jéhovah juré. Je suis pour voir à tous les besoins. Quel que soit le besoin, il pourvoira. Comme Paul a dit aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira. À tous vos besoins. Selon la richesse de sa miséricorde. Alléluia. Selon la richesse de sa miséricorde. Comme aux Philippiens et aussi à vous, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Soyez disposés à recevoir. Il est Dieu, moi je l'aime, mais je sais qu'il a raison. J'ai confiance que sa parole ne change pas. J'ai vraiment confiance. Ici dans les psaumes 81, écoutez ce que la Bible dit. Oh oui, verset 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. C'est lui qui t'a délivré de la servitude, de l'esclavage et du péché du monde. N'est-ce pas qu'il est le même? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Tu étais de niveau bas, en esclavage, centre de liberté. Même pas ayant des droits. Tu n'avais que des devoirs et des obligations. Mais quand tu envoies la parole, le message de l'enfant Moïse, Dieu a fait monter son peuple. Un niveau en haut. Il les a élevés. Un niveau plus élevé. Où ils n'étaient plus esclaves. Mais ils disaient de la liberté totale. Liberté d'expression. Liberté d'action, liberté de mouvement, liberté de marche, liberté de déplacement. Il a réussi cela au désert. Il s'est allé à Jacques. Dieu les a fait monter. Il les a soutirés de bassesse. Il les a soutirés d'un caniveau. Il les a fait monter. C'est le même Dieu qui t'a appelé à son message. Que ce soit encore, il te fasse monter. Que l'esclavage du péché finisse. Tout lien du péché soit vaincu. Je suis l'éternel ton Dieu. Qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Il te promet maintenant ceci. Ouvre ta bouche. Et je la remplirai. Yosko, boya, boya le sous. Yofongula. Mbola. Yahweh, zambé na yo. Oye na matisaki yo wana. Ngaï na kotoni sa mono konayo. Sino osaga ya koloba. Parce qu'on dit que quand on a la bouche pleine, on ne parle pas. N'est-ce pas que c'est naturellement vrai? Pendant qu'on mange que la bouche est pleine, on ne parle pas. Parce qu'on aussi pris jusqu'à voir les choses. Demande, demande, ouvre la bouche, demande. Demande, Dieu a promis de remplir. Sinon, si j'ai un aussi kango. On va s'en mettre ainsi la jouir. Ainsi la jouir. Ça va s'en faire ça. On connaît si un coquille. Mamoni un coquille. Et ton yé l'éki. Gloire à Jésus. Très bon, mais c'est tout ça. Mais il y en a la tonicité. On va dire qu'on va arrêter mon oncle. On dit que vous êtes un gars. Tu veux laisser les gens demander. Alors que la bouche n'est même pas encore remplie. Nos frères, arrêtons de faire justice. Arrêtons ce comportement paresseux. Nous devons recevoir beaucoup. Ouvre la bouche et je la remplirai. C'est là qui nous a tourné ce moulin qu'on a eu. Amen, amen. A bon tour, si j'ai la prière, moi aussi, madame Moussous. Oh, le fili, Moussous est bali. Oh, le fili, Moussous est bali. Toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi le matin, ça va comme un caca. Amen, amen. Il a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Viens d'un loba. Et c'est le temps de se rebondir, le peuple le matin. Veux-tu le faire? Amen. Reçois le courage. Amen. Reçois l'onction de prière. Reçois le courage. Reçois l'onction de prière. Pour prier mieux qu'avant. Il est tout puissant. Toi qui sais tout, vois tout. Toi qui sais tout, vois tout mon bâtiment. Demande-lui, il te donnera. Ouvre ta bouche, il la remplira. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Jean chapitre 16. Amen. Jean chapitre 16. Verset 23. 24. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Voilà encore, c'est sa promesse, ce n'est pas une phrase de David, c'est la promesse du Dieu vivant. Ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il vous le donnera. Quelle que soit la chose, quels que soient les besoins, quels que soient les problèmes, ce que vous demanderez au Père, en son nom Jésus-Christ, il vous le donnera. Bon. C'est tout à fait vrai. Tellement réel. J'aime ça. Il ajoute. Jusqu'à présent. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit. Amen. Maintenant, c'est mon ami. Et bon, ma paix. Dieu te veut joyeux à la perfection. Dieu te veut joyeux d'une joie parfaite. D'une joie impeccable. Aucune autre surprise ni mauvaise nouvelle ne peut déranger. Quand tu sais que c'est ce que ton Dieu veut, tu ne peux plus dire, oh, tous ces problèmes, c'est Dieu qui veut que je les aille. On nous a dit c'est un pleurnichard, un lamenteur chronique, intelligent. Arrêtez. Dieu veut que tu aies une joie parfaite. Amen. Lui il a ordonné, soyez toujours joyeux. C'est ça la promesse de Dieu. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Mais comment ce sera possible avec des douleurs chroniques dans le corps? Non. Ouvre la bouche et Dieu remplira. Demande et Dieu te donnera. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Ne te retire pas. Ne jette pas le terrain. Ne mets pas un diamant. Le terrain t'appartient. La vie, ma soyo et ça y a yo. Yonde mon petit, Tumo Isaiah yo, Elongo Isaiah yo, Sengo Isaiah yo, Pamolo Isaiah yo, Lakan Samba Isaiah yo, Yonu Rebobe Isaiah yo, Que la joie du Seigneur soit ta force maintenant. Amen. Ça veut dire que quand l'ennemi viendra comme un fleuve en colère, il le mettra en fuite. Il s'enfuit comme il a reculé là. Il s'enfuit avec le fardeau de douleur là. Tu es un indésirable. Satan, tu es une personne non grata. Amen, amen. Le territoire nous appartient. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes la maison du Dieu vivant. Nous sommes son peuple. Et la promesse dit, je marcherai et j'habiterai moi-même au milieu de vous. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il y a encore dans la citation. Amen. Oh, frère Branham. Oui, Branham repose en paix. Ah, tu as fait ton rôle. Vous savez, ce jour, le sien. Vous savez, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans les Est-ce qu'on monite que depuis au côté qui a oua? Donc, on va attendre, on va C'est-à-dire que Dieu te connaît, il traite avec toi. Il veut te compter parmi les personnes. Que son nom soit adoré. Dans les problèmes de l'église aujourd'hui, on n'entre pas assez dans l'esprit. Moi, espère, je vais moi, inspiration, je vais saisir. Moi, je suis avec Sami. Amen. C'est l'entraînement. Nous ne devons pas rester trop en nous-mêmes. Oh là là. Si seulement vous pouvez sortir de vous-même. Assez longtemps. C'est l'entraînement psychotaque. Entraînement face à face. Les angélitis m'a ouaté. C'est la prédication de l'évangile du salut. Qui comme toi recevoir le salut de salut. Qui comme se dispose, deviendra capable. Toi, y a joie déjà. Prédication, il y a Zambé, il y a Aaron, le Dieu de la Vierge d'Aaron. Alléluia. La mère de Louis, et la poussière, tout ce qu'il y avait de résultat. C'est le Dieu que tu entends maintenant. Le même soir, tu peux naître de nouveau. Le même soir, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Personne ne sera content. Il est pour nous. Oui. Il est notre joie et notre force. Je vais essayer de lire encore et terminer la pensée ici. Si seulement vous pouvez sortir de vous-même assez longtemps. Vous dites, eh bien, vous savez, notre église, nous avons notre train habituel. Je souhaiterais que vous sortiez de cette routine-là. Assez longtemps. Il a une vision. Je vous assure, frère, la vie paraîtra beaucoup différente lorsque l'église entrera dans l'esprit. Amen. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et qu'elle sortira d'elle-même et de la routine dans laquelle vous êtes. Amenez. La vie deviendra beaucoup trop différente. Alors, je boucle ici dans Ephésiens 2. L'écriture qu'on commentait. La maison spirituelle, maison d'habitation de Dieu. Nous allons lire le verset 21-22. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève. Vous voyez que vous commencez à vous élever. Se prêcher ce soir et se démontrer ce soir. Par nous, le procès, Dieu peut traiter. Amen. Il peut nous amener plus loin, plus loin. Que ce ne soit pas de courte durée ça. Nous devons y rester, que ça devienne notre nouvelle vie. Dans la routine. En lui, Vous êtes aussi édifiés. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Naenda kumobi mbekanga ni esika moko. Mbezali topola. Mpo erambelo. Yabule kati na mkolo. Tuna ye. Kwa sili de kotongama. En lui. Kati na ye. Pardon de lui. Yesa la libanda na yete. Ou à distance de lui. Po musika na ye. Mais en lui vous êtes aussi édifié. Yesa kati na ye musili de kotongama. Et ce soir vous venez d'être édifié. Yesa na pako ya musili de kotongama. Ou est une habitation de Dieu. Kwa sili de kotongama li nansambe kati na molimo. Okomandako nansambe na bomolimo. Amen. Okomandako nansambe na bomolimo. Amen. Yo lingomba otika urutina. Amen. Otika mumesero ya malili. Amen. Otika mumesero ya incredulité. Amen. Otika bambe banyoso. Amen. Okoma ifande na nansambe na bomolimo. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te lève église. Sembe na tole na tole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende plus capable. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Lève-nous pour la prière. Sotere ma pona kubende. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus Christ. Je m'empresse. Jamais, jamais, jamais, moi Seigneur. Pour te lever moi, mon Seigneur. Que je me tienne par mon possible. Mes plateaux qui sont loyales, la plus haute scène. Jamais trouvé. Passe-moi Seigneur, au lieu plus. Pour le solat, pour ton amour. Pour la télé, ma. En abonné, pour les lits-soleils. C'est qu'à moi, c'est comme lui. Ne collez pas. Pour le même âge, on est au lac, on est au lac, portez-les-moi, la bonne aimée, pour la licole, on se capte, on se capte, ne collez pas, pour l'homme et ma on est au lac, on est au lac, pour la télémane. Comme Dieu a dit ce soir, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains plus à Dieu, la colère du mauvais se passé. Si quelqu'un t'a offensé, pardonne. Si quelqu'un t'a énervé, pardonne. Si quelqu'un est devenu ton ennemi, pardonne. Si quelqu'un t'a critiqué, pardonne. Si quelqu'un a détruit ta réputation, pardonne. Si quelqu'un t'a envoûté, pardonne. Pardonne et pardonne. L'amour est le grand pouvoir. L'amour est la grande arme que Dieu a donnée à l'humanité. Élevons les mains, adorons Dieu, demandons-lui, ouvrons la bouche et lui remplis. Prie jusqu'à voir les choses. Prie déjà maintenant avec des secours. Prie, frère, prie, soeur. Prie jusqu'à voir les choses. Prie. Oh, une nouvelle personne, de nouvelles perspectives, de nouvelles espoirs, un nouvel élan, pas de possession. Un petit mot pour remercier Dieu. Glorifier un Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis venu avec l'enfant Nébile qui toussait abondamment et à chaque seconde. Et pendant que le pasteur condamnait les douleurs et les maladies chroniques, j'ai cru et je condamnais aussi la toux. Et voilà que le calme est revenu et l'enfant dort calmement. Louange à Jésus-Christ. Vous voyez connecté. Demeurons connectés à l'Esprit de Dieu. Il peut faire beaucoup de choses parmi nous. Écoute au ciel, écoute ce que tu as, comme Jésus-Christ, et les champs pensés, et toi terre de sang, et bétail de champs, en douer les carrelés. Combien attendez il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu, Alléluia. Mais je le louerai toujours. Combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia. Mais je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il fait des séances. Et il a ramené à... Ah oui, combien à... Il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme le ménageur, il vient ici pas, et fait sa santé, pour la justice, depuis ce jour-là. Nous pouvons prier, on peut louer ton église. Oh combien, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, et je le louerai toujours. Comme une épaule en se déposant, Dieu de nos enfants, il prend soin d'eux. Alléluia! Il ne l'aura, il ne sera calmé, oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Oh, combien, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai. Oh, pareil, il y a un tout le monde est si. Il voit nos bâtiments. Il voit tout ce que l'on va tirer. Et à chaque temps, il jette ses cris. Nous craignons rien quand j'ai. Oh, combien, combien il est bon, combien il est bon. Oh, j'ai les malades, quand le samedi n'en a pas. J'ai les malades, oh, mais ça m'a pas. Je me suis allé faire de l'eau à l'eau. Mon Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il n'est, qu'est-ce que fait pour moi, où je ne peux compter tes nombreux bienfaits. Oh combien je fais la donne. Oh combien, combien, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, je sais combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai. Oh, combien Dieu me donne. Combien il est bon. Mon Seigneur, je sais combien il est bon. Oh, alléluia. Alléluia, je le louerai toujours. Dieu, notre Père Céleste, nous t'adorons et te glorifions. Nous exaltons le Saint-Nom. Il est merveilleux. Il est adorable. Il est miraculeux. Il est surnaturel. Il est bouclier. Il est un refuge. Notre vraie sécurité. Notre encouragement. Et notre bénédiction. Ton nom est notre salut. C'est aussi notre paix. Il est notre joie. Pour espérer une éternité de bonheur. Tu as entendu nos prières. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as exercé notre foi. Tu as édifié notre spiritualité. Pour tout ceci, merci abondamment. Que cette soirée soit archivée dans la vie de chacun comme un entraînement bénéfique, un moment utile, comme les disciples sur le chemin de Maus. Il disait, notre cœur ne brûle-t-il pas au-delà de nous? Lorsque nous parlons en chemin, qu'il en soit ainsi, pour chacun en partage ici, que ta gloire nous accompagne, que l'Esprit de Dieu protège chacun, garde les pas de chacun, jusqu'à arriver à domicile en sécurité, et rapidement, au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Amen. Veuillez vous asseoir, et que Dieu vous bénisse dans le chemin.